Leçon 3. Document 1, page 98. 8h30, c'est l'heure de notre bulletin météo. Il fait gris sur tout le nord de la France et la région parisienne. Il y a beaucoup de nuages sur cette partie du pays et il va y avoir des orages cet après-midi. Sur la partie ouest, il pleut ce matin et il va faire mauvais toute la journée. Alors n'oubliez pas votre parapluie. Il a neigé cette nuit dans l'est et sur les Alpes. Donc ce week-end, vous allez trouver une belle neige sur ces montagnes. Et enfin, dans le sud, il y a du vent. Donc, il n'y a pas de nuages. Il fait très beau, mais attention, il fait froid. Moins 2 degrés ce matin. La température va monter un peu cet après-midi. Il va faire 7 degrés et il va y avoir du soleil toute la journée.